sortir l'astrocyte de l'ombre du neurone. À propos de l'homme glial, Yves Agide et Pierre Magistretti, publié chez Odile Jacob en 2018. La moitié du cerveau a été oubliée. Yves Agide et Pierre Magistretti en font la constatation dans un livre éclairant, en se penchant sur le destin obscur d'une population de cellules du cerveau qui n'a pas eu l'heure de connaître le succès scientifique des neurones. La faute, selon les auteurs, à leur absence, leur totale absence de propriété électrique, qui a conduit la communauté neuroscientifique à considérer que les cellules gliales, prétendument silencieuses, n'avaient rien à nous dire sur le fonctionnement cérébral. Qui se tait, consent. Mais le signal électrique n'est pas le tout de l'information qui circule dans le cerveau. Agide et Magistretti réhabilitent les cellules gliales et particulièrement les astrocytes dans leurs fonctions les plus critiques. Pas seulement le soutien métabolique du neurone, comme on l'a longtemps cru, mais aussi leur contribution à la mécanique subtile de la synapse avec ce que les auteurs appellent des gliotransmetteurs dont certains sont partagés avec le neurone, comme le glutamate, tandis que d'autres, lui, sont propres des sérines lactates. L'astrocyte gagne ainsi en pertinence. On le voit prendre du galon, devenir un acteur essentiel aux apprentissages, à la cognition et au comportement. Un chapitre l'établit même au cœur de certaines pathologies neurologiques, notamment neurodégénératives, où son rôle dans l'accusation des troubles ou au contraire dans les mesures protectrices mises en œuvre est décrit. Ainsi, le neurone se retrouve entouré non seulement d'un astrocyte bienveillant propageant sur de longues distances les activations calciques, un seul astrocyte peut contacter avec ses pseudopodes 2 millions de synapses, mais aussi de son capillaire pourvoyeur énergétique. Le couplage neurone-astrocyte se redouble d'un couplage astrocyte-capillaire. Agide et Magistretti argumentent en faveur de l'astrocyte, y compris auprès de la recherche de l'industrie pharmaceutique. Les cibles neuronales ayant fait long feu, notamment dans les maladies neurodégénératives, se tourner vers les cibles astrocytaires pourrait s'avérer judicieux, en plus d'être original. Le combat contre le neurocentrisme ou neurochauvinisme que pointent les auteurs pourrait transformer neurologues et neuroscientifiques en gliologues, glioscientifiques ou tout au moins neurogliologues et neurogliosscientifiques.